Ceux qui ont vu là, le petit montage que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait, vous pouvez voir là, que j'insiste un peu sur la polarité rouge et bleu ou bleu, blanc, rouge. Et si vous observez par exemple là, les gyrophares des policiers, ce n'est pas pour rien que c'est rouge et bleu, c'est à cause de l'effet que ça a sur le système nerveux. C'est tout étudié, ça. Les béhavioristes, les psychologues, les neurologues participent à l'élaboration de cette science-là de gestion de ce qu'on pourrait appeler là, le bétail humain. Le bétail humain. Donc, ce n'est pas un hasard là, quand vous voyez des polarités rouge-bleu, mais là, pas non plus devenir paranoïaque dès que vous voyez ça et l'interpréter comme. Mais il reste que, oui, il y a une science là-dedans et tout ça évolue. Maintenant, j'aimerais parler de fiction. Et puis, il y a des correspondants, entre autres, qui vont être surpris que je parle de cinéma parce que je ne suis pas quelqu'un de très cinéma. Je ne vais jamais au cinéma, je ne me loue pas de films. Mais l'être humain sait tout au fond de lui-même. Seulement, il a peur de ce qu'il sait souvent ou de ce qu'il ne peut pas intégrer, mais il ne peut pas s'empêcher de l'exprimer parfois. Donc, il y a des films là, qui ont été faits où il y a du réel décrypté à travers la fiction. Je n'ai jamais été très attiré par la fiction parce que je considère que la réalité est suffisante. Et puis justement, il y a un policier dehors qui fait aller sa sirène. Donc, j'aimerais parler là de films dans lesquels on peut considérer qu'il y a décrypté des choses très subtiles, symboliquement, qui sont cryptées. Donc, le premier film dont je pourrais parler, c'est dans les années là, fin 90, j'ai des amis qui m'avaient traîné au cinéma. Quand je vais au cinéma, d'habitude, c'est parce que on m'y amène. Là. Il y a des gens qui veulent sortir, ils veulent aller au cinéma. Et puis bon, il y avait ce qu'on appelle un midnight. C'était un programme triple qui commençait à minuit et qui s'étirait toute la nuit. Il y avait trois films. Et les amis avec qui j'étais voulaient voir Le Loup-garou de Paris, là, un remake cheap, un navet là, qui est un remake du Loup-garou de Londres. Ça ne me tentait pas de voir ça, mais je les ai accompagnés pareil. Mais dans le programme, il y avait un autre film qui a été traduit au Québec, là, comme le titre c'est Cité Obscure ou Dark City là, en France et en anglais. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai vraiment là, été arrivé sur l'écran, là. Je ne dois pas avoir cligné des yeux de tout le long du film. Et il y a là-dedans du réel décrypté, mais qui va au-delà là, de. C'est très surprenant là, que des scénaristes aient pu là, faire quelque chose comme ça. Puis si je vais mettre là, les bandes-annonces des films dont je parle, je vais les mettre dans la description parce qu'il y a des films que, si vous vous intéressez à certaines choses là, que j'aborde, ça peut être une bonne chose de les voir parce que c'est très parlant. Ça parle. Et puis bon, si pour une fois la fiction peut servir à autre chose que faire vibrer l'âme, là, mais qu'elle peut servir aussi à intégrer certaines choses par une compréhension du symbolisme, c'est-à-dire en allant au-delà du symbole, c'est-à-dire au-delà de la forme, bien ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Donc, un autre film là, que je considère un message. Mon père avait vu ça, il avait adoré ce film-là au point où il en avait acheté le DVD, il voulait que je le voie à tout prix. Mais moi, au début, je l'ai trouvé mauvais, ce film-là. Et puis, c'est souvent le cas avec les films, comme je vous parle, qui a du réel décrypté dedans. Ça va être un échec souvent là, au box-office, mais par après, ça devient des films cultes. Comme s'il y avait là, un besoin d'un temps d'intégration d'un certain public spécifique. Qui justement est capable là, de décrypter le film, c'est le film The Box, la boîte. Et puis il a fallu que je le réécoute plusieurs fois pour me rendre compte que oui, il y a du réel décrypté là-dedans. À un moment donné, il y a un personnage là, qui le joue. Il dit j'ai été frappé par la foudre et maintenant je suis en communication avec ceux qui dirigent la foudre. Et ça m'avait marqué là, ça m'a frappé. Quand il a dit ça, le personnage. Il y a aussi, vous savez, dans l'Exorciste de Troyes, à un moment donné, il y a une vieille dame sénile dans un hôpital qui parle d'une radio, puis elle dit c'est un téléphone, mais beaucoup de gens confondent les deux. Il y a là quelque chose de qui peut, bon, au niveau là, la télépsychie, bon, d'intéressant. Troisième film, un message où il y a du, à mes yeux, là, il y a du réel décrypté dedans, c'est Donnie Darko. Donnie Darko, qui est un film que j'ai vu, ça fait quand même longtemps, mais j'avais, et parce ça fait longtemps, parce que j'avais la télévision dans ce temps-là, je pense que j'ai vu ça à super écran. Et j'avais été vraiment frappé. C'est un film réellement à part. C'est quelque chose d'à part. Et puis, j'ai un voisin qui se promène. Et moi, je vous recommande là, ces trois films-là. Donc, Dark City, là, qui est pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont se référer à La Matrice. Moi, La Matrice, j'ai jamais été capable d'écouter ça. Je trouve ça ennuyant. Ça ne me parle pas. Mais ce film-là, Dark City, à mes yeux, est beaucoup, au niveau là, de ce qui est crypté symboliquement, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche du réel. Et donc, comme d'habitude, c'est un film beaucoup moins connu. Puis, The Box, qui est un film que, comme moi, j'avais trouvé vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça mauvais. Je ne l'ai pas aimé, mais en le revoyant, puis d'autres gens m'en ont reparlé, puis je l'ai réécouté, et oui, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et Donnie Darko, là, que moi, dès que j'ai vu ce film-là, j'ai fait partie, là, tout de suite, c'est devenu un de mes films cultes. C'est devenu un de mes films cultes. Et au niveau du symbolisme dans le cinéma, où il y a quelque chose de crypté, d'exprimé, qui est lié à des réalités au fond, mais qu'on exprime symboliquement. Il y a le symbolisme, là, comme pour The Box, de la boîte, qui est lié entre autres à la peur, et puis c'est qu'un symbole qui revient souvent dans le cinéma. Ceux-là qui ont vu Phantasm, le film de 1976, là, Fantasme avec Angus Scream, et ce sont des acteurs peu connus là, qui jouent là-dedans, mais il y a une scène là, où le personnage principal, qui est un jeune homme là, de 13-14 ans, va chez une voyante et lui fait mettre une main dans une boîte et c'est lié à lui expliquer là, la peur, le problème de la peur. Et puis, on parle des fois là, dans le domaine là, des sujets que j'aborde de commencer à penser en dehors de la boîte. Mais pour commencer à penser en dehors de la boîte, il faut s'être mis, là, si on peut dire, la main dans la boîte. Et pour ceux qui ont de l'intérêt pour la science-fiction, si vous avez vu le film là, Dune, il y a une scène aussi où le principal protagoniste là, est testé par une boîte mais là, c'est lié à de la souffrance physique, mais ça rejoint la peur quand même. Et puis, il y a une dame là, qui fait partie d'une sorte de congrégation là, religieuse de télépsychistes. C'est un film de science-fiction très étrange. Là. Dune, c'est basé sur l'œuvre d'un auteur là, qui est quand même assez connu là, dans le monde anglo-saxon, mais moins en français. Mais il y a des remakes qui ont été faits. Là. Ne regardez pas ça, ce n'est pas bon. Ben, ce n'est pas bon. Je ne suis pas un critique de cinéma, là, mais puis en plus, je ne les ai même pas vus, mais. Je me réfère là, au film des années 80, là, pas à ce qui était refait, parce que si je me fie à ce qu'on m'en a dit, là, les remakes sont bons. Donc, je vais vous mettre les bandes-annonces de Dark City, de Box et de Donnie Darko. Je vais les mettre dans la description. Et si vous avez là, la possibilité de voir ces films-là, ce sont à mes yeux, là, pour une fois que. Au niveau là, de l'art et de l'industrie du divertissement, qu'il y a des choses réellement de qualité qui contiennent quelque chose de subtil qui est exprimé peut-être même inconsciemment par les gens qui l'ont fait. Et là, et si là, vous avez une capacité de décrypter, si vous avez une capacité d'aller au-delà de la forme, vous allez voir que au niveau du contenu, il y a quelque chose. Donc, c'est ça. Et aussi, là, ce que je vous dis là, par rapport au système nerveux, là, la polarité rouge-bleu séparée par le blanc, il y a des études là, de neurologues qui ont été faites sur ça. C'est difficile à trouver, par contre. Mais il va y avoir un effet là, de crispation et c'est un peu comme quand la police défonce une porte. La police, il va y avoir un effet de crispation qui fait que Les gens à l'intérieur, pendant quelques secondes, vont figer sans rendre compte. Mais ça aussi, ça a tout été étudié. Puis, quand la police là, défonce chez quelqu'un et que la personne à l'intérieur est abattue immédiatement, de ce que je connais de la psychologie, de la neurologie, du behaviorisme, habituellement, c'est un meurtre, là. Comme Richard Blass, là, il s'acheque, puis c'est un meurtre, ça, là. Moi, je considère que c'est Richard Blass a été assassiné et qui, en tout cas, là, on entre dans d'autres choses, là. Mais, je vais, comme je vous dis, là, je vais vous mettre les bandes-annonces et puis, possiblement que vous avez vu ces films-là, mais il reste que je le conseille. Je le conseille, là, en fin de semaine, si vous avez rien à faire, là, ça peut, pour une fois, là, que le cinéma n'est pas juste. Il y a tellement de stupidité de produits, il y a tellement de choses insignifiantes qui ne servent absolument à rien. Le divertissement, souvent, est un peu comme une diversion de la conscience, mais là, pour une fois, il y a quelque chose, il y a quelque chose pour vrai. Donc, bonne journée.